Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'Irlande, parmi les plus beaux paysages au monde, ses falaises déchirées le long de la mer, ses petites îles cachées dans la brume, ses panoramas grandioses où le mouvement des nuages se joue du végétal, ses landes de pierre, ses lacs, ses rivières et ses mystères sur ses terres brûlées. Et puis, les habitants, les Irlandais, les Irlandaises l'accueillent. Mais quand il est question de l'histoire de l'Irlande, ce sont les luttes qui nous viennent à l'esprit. Le Sinn Féin, les Pâques sanglantes, l'IRA, la partition, la guerre civile. Lutter pour son indépendance, l'IR de l'Irlande. Le soulèvement de Pâques, 1916, comme vous le savez, a marqué la fin d'une phase de l'histoire de mon pays et le commencement d'une autre. Enfin, vous savez bien que pour eux, l'Irlande n'est qu'un détail insignifiant sur un bien plus grand tableau. Lors de cette insurrection sanglante de Pâques 1916, l'IRA est née. Bonjour Olivier Coquelin. Bonjour Xavier Mauduit. Au moment de réfléchir à la lutte pour l'indépendance, c'est vrai qu'il nous faut souvent une date de début. Alors là, on l'a entendu, hein, les Pâques sanglantes de 1916. Mais en fait, le mouvement, la lutte pour l'indépendance en Irlande, c'est un long processus au cours du 19e siècle. On peut remonter assez loin d'ailleurs. Oui, on n'en est pas au premier essai en 1916. Hein. La première tentative réelle a eu lieu en 1798 via donc une rébellion orchestrée par la Société des Irlandais Unis. Il s'agissait donc d'une organisation créée en 1791, notamment par Theobald Wolfston, qui allait devenir une des grandes figures du nationalisme irlandais. À l'origine, il ne s'agissait pas d'une organisation révolutionnaire à proprement parler, bien que inspirée des idéaux des révolutions américaines et françaises. Mais cette organisation des Irlandais Unis visait la réforme radicale du Parlement de Dublin. En d'autres termes, il souhaitait démocratiser davantage le Parlement irlandais. Et puis, au fur et à mesure donc des années qui se sont passées, l'organisation donc s'est radicalisée. Et avec l'aide de la France, à partir de 1795-1796, la France révolutionnaire a eu pour dessein d'établir en Irlande une république indépendante. Et malgré l'aide militaire de la France, la rébellion de 1798 échoua. Ça allait donner lieu donc justement suite à cette rébellion-là à l'adoption de l'acte d'union en 1808 au Parlement. Donc ça a pris effet le 1er janvier 1801. Et deux ans plus tard, des membres résiduels des Irlandais Unis, emmenés par Robert Emmet, allaient de nouveau tenter une rébellion de manière à établir en Irlande, encore une fois, donc une république. Et là encore, ça allait échouer. Ensuite, il faut attendre 1848. Donc, juillet 1848, le mouvement Jeune Irlande se lance aussi dans une rébellion, inspirée donc par le printemps des peuples, lui-même donc impulsé par la Révolution française de 1848. Mais là encore, ça allait échouer. On peut dire même un peu lamentablement, puisque ça a pris la forme d'une escarmouche dans un potager du comté de Tipperary. Et dernière tentative, 1876, orchestrée cette fois-ci par l'Irish Republican Brotherhood, créée en 1858 par des membres de la Jeune Irlande, justement. Et là aussi, dernière tentative qui échoua également. Oui, parce que c'est ça, hein, c'est un long processus. Exactement. Cette volonté d'indépendance, ça date pas de la toute fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Bonjour Alexandra McLennan. Bonjour Xavier Mauduit. Et puis quand on réfléchit à cette lutte pour l'indépendance, on pense à l'organisation, et on l'a entendu avec ce que disait Olivier Coquelin, il y a quelque chose qui nous vient des Lumières et puis qui se transforme au cours du 19e siècle. Mais dans ce milieu du 19e siècle, là où se structurent tant et tant d'associations et de réflexions, c'est là où on commence à voir une organisation de nationalistes, il faut le dire comme ça, pour lutter pour l'indépendance. Oui, tout à fait. Pour prendre la suite de ce qui a été dit dans l'émission d'hier, à la suite de la grande famine, il y a eu un vaste mouvement d'émigration irlandaise vers les États-Unis, et c'est aux États-Unis que prend son élan ce mouvement qu'on appelle Fenian Brotherhood, Fenian qui signifie guerrier en gaélique, et de ce ressentiment anti-anglais et de cette tradition d'organisation de levée de fonds aux États-Unis, va s'organiser un mouvement pour soutenir la République irlandaise. Et il va y avoir une longue tradition qui va aller jusqu'au conflit nord-irlandais de la deuxième partie du XXe siècle. Il va y avoir une longue tradition de soutien américain. Et donc, on va voir ressurgir en Irlande ces Fenians par le biais de l'Irish Republican Brotherhood, société secrète, société militaire secrète révolutionnaire, qui commence à infiltrer le mouvement nationaliste irlandais et à lui donner une coloration plus séparatiste, alors que il y avait une tradition nationaliste parlementaire portée par Charles Stuart Parnell à la fin du 19e siècle, qui revendiquait une forme d'autonomie législative, de réappropriation de l'identité irlandaise sur le mode culturel, mais qui s'accommodait tout à fait dans l'Empire britannique. Mais au tournant du XXe siècle, on voit une nouvelle coloration du nationalisme irlandais dans qui prend une couleur beaucoup plus verte, beaucoup plus séparatiste, indépendantiste. Oui, puis avec l'importance de la culture, on peut le dire aussi, hein, ce n'est pas qu'un mouvement politique, cette lutte pour l'indépendance. Il y a toute la réflexion autour d'origine, et ça c'est un processus aussi que l'on retrouve partout en Europe, se créer une identité nationale. Ça se présente comment, Olivier Coquelin? Olivier Coquelin, vous êtes maître de conférence en civilisation des îles britanniques à l'université de Caen-Normandie, et Alexandra McLennan enseigne également, maître de conférence également à l'université de Caen-Normandie. C'est la Normandie en force aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Absolument. Non mais culturellement, c'est vrai que là aussi, les intellectuels, le mot est un peu anachronique, mais en tout cas, ceux qui pensent, les savants, dès le milieu du 19e siècle, veulent mettre en place le retour d'une langue qui correspond à une identité. Oui, alors ça, cette branche culturelle du nationalisme irlandais prend tire son origine des années 1840. Hein, ça avait déjà commencé avec la jeune Irlande, hein, notamment par la voix de Thomas Davis, qui était donc la figure de proue de ce mouvement-là. Et ça allait prendre un essor assez important à partir des années 1880, et notamment 1884 avec la création de la Gaelic Athletic Association, qui avait pour but de remettre au goût du jour les sports traditionnels irlandais, et notamment le football gaélique et puis le hurling. Puis dans les années 90, la langue qui va donc intéresser donc bon nombre d'intellectuels, comme vous l'avez précisé, notamment des gens comme Douglas Hyde, qui en 1893 créa avec d'autres, hein, bien sûr, la Ligue gaélique, donc qui avait pour but là aussi de remettre au goût du jour, de relancer la langue gaélique. Et vers la fin du 19e siècle, via Lady Gregory et puis William Butler Yeats, là c'est la littérature et le théâtre irlandais qui allait renaître de ses cendres par la création notamment de l'Abbey Theatre au début du 20e siècle. Et donc le but étant évidemment de créer une identité nationale distincte de celle de la Grande-Bretagne. Voilà, c'est ça, hein, cet aspect culturel doit pas être mis de côté quand on réfléchit aux luttes pour l'indépendance. Alexandra McLennan, je vais vous poser une question de traduction. Comment dit-on nous-mêmes en gaélique? Sinn Féin. Voilà, mais pour en parler du Sinn Féin, parce que ça c'est quelque chose qui nécessite d'être contextualisé. Nous avons tous connu, mais depuis que nous sommes petits, ce mot aux actualités, le Sinn Féin, on l'entend encore aujourd'hui. Qu'est-ce que le Sinn Féin au moment de sa création? D'ailleurs, il est créé quand, ce Sinn Féin? C'est quoi? Le Sinn Féin est un journal et un parti. Le journal Sinn Féin a été créé par un journaliste et un penseur politique qui s'appelle Arthur Griffith, qui est une personnalité très intéressante. Et il était allé se battre, par exemple, aux côtés des Boers, dans la guerre des Boers en Afrique du Sud. Et il revient en Irlande et puis il fonde ce journal. Il a été inspiré par les méthodes visuelles américaines pour promouvoir une identité irlandaise, une espèce de marque de fabrique irlandaise par des méthodes visuelles modernes. Alors il était inspiré par ça. Et puis il a créé ce parti Sinn Féin. Qui n'était pas au départ séparatiste et violent, mais qui prenait plutôt le boycott plutôt que la violence et qui prenait la résistance passive. Et Griffith lui-même était en fait monarchiste. On a tendance à oublier cette première coloration idéologique du Sinn Féin. C'était un parti au départ qui était pour la résistance passive, pour le pacifisme, pour le boycott, pour une double monarchie où un même monarque régnerait sur deux assemblées locales. En fait, il était pour un retour au régime du Parlement de Grattan de la fin du XVIIIe siècle. Et voilà, c'est cette ambiance dans laquelle le Sinn Féin est formé en 1905. Mais le Sinn Féin d'avant 1916 est très différent du Sinn Féin d'après 1916. Voilà, c'est ça. Parce que cette date de 1916, c'est une date importante. Et on le sent bien depuis le début de cette émission, ce qu'on appelle les Pâques sanglantes, l'insurrection de 1916. C'est un moment phare avec, et là aussi, il faut le dire tout de suite, Olivier Coquelin, pour bien comprendre la complexité de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance des Irlandais et des Irlandaises, c'est que ce n'est pas un front commun. C'est-à-dire qu'il y a, ben, comme toujours, plusieurs voies possibles. On vient de l'entendre avec le Sinn Féin, le simple boycott, quand d'autres vont demander une insurrection armée, quand d'autres vont demander une séparation totale, et puis d'autres vont dire, ben non, on peut garder un certain lien avec le Royaume-Uni. C'est compliqué. C'est assez complexe, en effet. La branche politique du nationalisme irlandais comprend deux tendances principales, hein, ce qu'a souligné Alexandra à l'instant. Donc vous avez une tendance constitutionnelle et une tendance révolutionnaire. Et donc la tendance constitutionnelle était, on va dire, modérée quant aux moyens et quant à ses objectifs également. Les moyens, donc c'était les moyens légaux principalement, moyens parlementaires, hein, via donc la représentation irlandaise au Parlement de Westminster à Londres, pour aboutir à l'autonomie, simple autonomie au sein du Royaume-Uni, au sein de l'ensemble britannique. Et puis d'un autre côté, vous aviez la tendance révolutionnaire qu'on a évoquée, hein, au début de l'émission, dont la principale organisation en 1916 était justement l'Irish Republican Brotherhood, qu'on a également mentionné en début d'émission, qui donc allait renaître de ses cendres graduellement suite à la rébellion avortée de 1867 pour infiltrer. Donc il faisait beaucoup d'entrisme, hein, en fait, puisqu'il s'agissait d'une société secrète. Donc ils ont infiltré notamment le Sinn Féin et aussi l'organisation paramilitaire créée en novembre 1913, les Irish Volunteers, dont la fraction dominée par justement l'IRB, allait se retrouver derrière la rébellion de Pâques 1916. Oui, parce que faut aussi resituer cette histoire-là dans un contexte beaucoup plus vaste. 1916, évidemment, nous le savons tous, c'est la Première Guerre mondiale. Pas de conscription pour l'Irlande! Pas de conscription pour l'Irlande! Que les Anglais se battent dans les guerres anglaises! Merci, monsieur. Pas de conscription pour l'Irlande! Je me sens un peu... C'est quand même agréable de rentrer, non? Que les Anglais se battent dans les guerres anglaises! Pas de conscription pour l'Irlande. Vous devriez combattre pour votre pays. C'est ce qu'on fait, on combat pour notre roi et notre pays. Non, vous êtes un traître. Personne ne m'accuse de traîtrise, surtout pas les miens. Moi, je le fais. Si t'étais pas une fille. Bah, tu me tuerais, vas-y, tire la première balle dans le combat pour l'Irlande libre. L'Irlande libre, mon cul royal, ouais. Pas de conscription pour l'Irlande. Pas de conscription pour l'Irlande. Vous devriez être à la maison. Vous ne devriez pas combattre une guerre qui n'est pas la vôtre. Emmenons-la dans les tranchées avec nous. Je la ferai pas. Nous étions le 18 avril 1916 dans la série Netflix Rébellion et puis en Irlande avec ce moment particulier de la Première Guerre mondiale. Alexandra McLennan, vous êtes l'autrice de l'histoire de l'Irlande de 1912 à nos jours, publiée chez Talendier. D'ailleurs, 1912, pourquoi 1912? On l'évoquait là dans cette histoire de la lutte pour l'indépendance. Pourquoi vous avez choisi 1912? Pour moi, 1912, c'est le point de départ de l'indépendance. Parce que 1912, c'est le vote du troisième projet de loi sur le Home Rule. Le Home Rule, donc l'autonomie législative, était un long combat qui avait commencé au 19e siècle. Il y a eu plusieurs tentatives et le Home Rule va après deux projets de loi qui n'ont pas été votés, le Home Rule sera enfin adopté en 1912 avec pour cette fois-ci l'impossibilité pour la Chambre des Lords de s'y opposer. Et il n'y a en fait qu'un délai suspensif de 2 ans qui échoua en 1914. Mais le problème, c'est que l'entrée en guerre suspend sine die l'application du Home Rule. Et c'est à partir de ce moment-là que une partie des volontaires irlandais, en fait 5% des volontaires irlandais sont restés au pays, 95% sont allés se battre avec les forces britanniques, mais les 5% ont décidé d'organiser une insurrection pour que l'étincelle nationaliste ne soit pas étouffée pendant la Première Guerre mondiale et pour continuer de se battre pour l'application du Home Rule. Et dès l'entrée, très tôt, dès l'entrée en guerre en 1914, le Conseil suprême de l'Irish Republican Brotherhood se réunit pour examiner la possibilité d'organiser une insurrection. Et alors il va y avoir de l'aide demandée en Allemagne par l'intermédiaire d'un diplomate irlandais qui se trouve là-bas. Alors il y a beaucoup de cafouillage dans les préparatifs, mais il y a une organisation qui se précise au début de 1916. On a un sentiment d'imminence qu'il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose, effectivement. Olivier Coquelin, vous êtes l'auteur de l'Irlande en révolution entre nationalisme et conservatisme. Il y a des S. À nationalisme et à conservatisme, une histoire politique et sociale du 18e au 20e siècle, avec vraiment cette question-là du choix. Et en 1916, quand certaines, parce que c'est vraiment un mouvement très populaire qui décide de prendre les armes, faut rappeler qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas comprendre. Des nationalistes irlandais qui, eux, ont fait le choix du home rule dont on vient de parler, avec l'espoir que ça peut marcher. Pourquoi cette insurrection à ce moment-là à Dublin? Alors, ils se sont inspirés de la tradition, en fait, insurrectionnelle du mouvement séparatiste, selon lequel il fallait profiter des difficultés de l'Angleterre parce que ça allait être l'opportunité des Irlandais. Hein. England's difficulty is Ireland's opportunity. Et donc, les difficultés de l'Angleterre, voilà. C'est l'opportunité pour l'Irlande. Pour l'Irlande, voilà. Et donc, c'est ce qui, justement, comment dire, 1916, au milieu de la Première Guerre mondiale, c'était un moment propice, puisque la guerre perdurait, guerre qu'on pensait qu'elle allait être éphémère, bien sûr. Hein, et 1916, on ne sait pas encore qui va l'emporter, donc du coup, oui, on profite de ces difficultés-là pour justement lancer cette rébellion et évidemment, dans un premier temps, la population irlandaise va se retrouver dans l'incompréhension totale. Hein. Elle ne comprend pas cette entreprise considérée comme démente, d'autant plus qu'en effet, elle était organisée dans le plus grand secret. Hein. On pensait même que l'IRB n'existait plus. L'IRB ? L'Irish Republican Brotherhood, pardon. Bah non, mais ça, vous le dites tellement mieux que moi, avec ce moment. Non, mais qui est vraiment intéressant de voir l'imbrication des différentes luttes et bien sûr le secret fait qu'il y a surprise même pour les Irlandais eux-mêmes, surtout que ce mouvement, cette insurrection de 1916 est très localisée. C'est pas l'ensemble de l'Irlande qui se soulève, ça se passe à Dublin, précisément à Dublin. Le fait que le candidat pour qui on vous demande de voter soit en train de moisir dans une prison anglaise ne doit pas vous décourager. Il y a encore une semaine, j'y étais. Ils peuvent nous mettre en prison. Ils peuvent nous tuer. Ils peuvent même nous enrôler et faire de nous de la chair à canon dans la Somme. Mais nous avons une arme plus puissante que n'importe quelle arme de tout l'arsenal de l'Empire britannique. Et cette arme, c'est notre refus. Notre refus de nous soumettre à aucune autre loi que les nôtres, à aucune autre institution que les nôtres. Nos amis de la police royale irlandaise aimeraient bien me faire taire. Eh oui, me remettre en prison, me tuer, qui sait. Mais j'aimerais que vous leur envoyiez un message. Si jamais ils me font taire, qui prendra ma place? Qui prendra ma place? Je ne vous entends pas. Qui prendra ma place? Est-ce qu'ils vous feront taire? Le film Michael Collins de Neil Jordan en 1996. Dites-nous, Alexandra McLennan, qui est ce Michael Collins, qui est un personnage extraordinaire, hein. On le voit bien parmi tous ceux qui luttent, et faut le rappeler, ce sont des engagements très forts. La répression de la part des Anglais est particulièrement dure et sévère. Qui est-il ? Michael Collins est très jeune encore à l'époque. Il n'a pas eu de rôle actif en 1916, mais c'est un jeune nationaliste qui a grandi dans l'ouest de l'Irlande, dont le père, très âgé, disait qu'il fallait faire attention, au petit Michael, parce qu'il allait faire de grandes choses pour l'Irlande juste avant de mourir. Et il est passionné par la guerre des bourgs, il est passionné par le nationalisme, il s'inspire des récits, des faits d'armes des généraux bourgs, et il s'inspire de leurs tactiques de guérilla, de guerre rurale informelle, et ça va inspirer son mode opératoire par la suite. Alors il part dans sa jeunesse. Il part à Londres. Il travaille pour la poste. C'est quelqu'un qui est. Il est spécialiste de logistique. Il est très. C'est un organisateur. C'est un mobilisateur. Il sait très très très bien mobiliser la population, organiser des levées de fonds. Et ces talents d'organisation vont être très précieux pour contrebalancer l'esprit poétique. Il parle de l'esprit poétique dans lequel l'insurrection de Pâques 1916 a été organisée. Il attribue à cet esprit poétique, c'est pas un compliment dans sa bouche, hein. Il attribue à cet esprit poétique l'échec sur le moment de cette rébellion, parce que cette rébellion a été sanglante, hein. Dublin est exsangue à l'issue de cette semaine de cette l'octave de Pâques 1916. Et puis en fait, les insurgés se rendent. La répression britannique est très dure, et cette répression va d'ailleurs retourner le sentiment populaire, qui était un sentiment au départ d'indifférence et d'hostilité, et d'incompréhension, et pour ensuite donner lieu à une grande sympathie vis-à-vis des insurgés. Et donc Michael Collins, qui est encore très jeune, va arriver à maturité un petit peu plus tard. Il va échapper, comme Eamon de Valera, aux exécutions qui font suite à cette semaine de Pâques 1916. Et il va prendre les choses en main à l'étape suivante. Avec, c'est vrai, une répression terrible de cette insurrection qui se passe à Dublin. Olivier Coquelin, faut bien le rappeler, hein, c'est pas l'ensemble de l'Irlande qui se soulève. D'ailleurs, c'est peut-être une déception de la part de ceux qui ont mené l'insurrection. Oui, à l'origine, il était question que le soulèvement ait lieu à l'échelle nationale. Alors, il y aura quand même quelques échauffourées, si j'ose dire, notamment à Galway. Mais, en effet, le centre névralgique se situe à Dublin. Et les Anglais répondent de manière assez forte. Oui, ce sont des bombardements. C'est d'ailleurs dur à imaginer sur une insurrection à Dublin que, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, on y va avec des bombardements. Oui, le centre de Dublin est devenu un véritable champ de ruines, justement, suite à la rébellion qui dura une semaine. Donc, ils ont utilisé la manière forte, en effet. Et la réponse... à l'insurrection a été s'est fait sur un mode répressif. Donc les leaders ont été jugés et condamnés à mort et exécutés. Donc il y en a eu 16 en tout, donc 15 sur place si je puis dire, et puis Roger Casement à Londres. 3500 personnes aussi, à peu près, ont été arrêtées. Alors certes, il s'agissait pour nombre d'entre eux des insurgés, mais pas seulement. C'est-à-dire que des gens qui avaient simplement affiché quelques sympathies pour, on va dire, la cause séparatiste, étaient arrêtés. Et ça incluait justement Arthur Griffiths, père fondateur du Sinn Féin, et également William O'Brien, qui était donc un syndicaliste proche de James Connolly. James Connolly qui fait partie donc des 15 qui ont été fusillés donc suite à la rébellion avortée de 1916. Il est important de parler de ces Pâques sanglantes de 1916 parce que c'est un moment majeur dans l'histoire qui nous intéresse, celle de la lutte pour l'indépendance de la part des Irlandais. Des Irlandaises, une lutte qui est évoquée évidemment en chanson avec d'anciennes ballades irlandaises reprises par des chanteuses d'aujourd'hui. City fair rode I. foggy dew. Ce Chef Sense avec Sinéad O'Connor dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une chanson qui évoque bien sûr l'insurrection de Pâques de 1916 en Irlande. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique d'Alia. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la lutte pour l'indépendance, la colère de l'Irlande, l'ire de l'Irlande avec Alexandra MacLennan. Quelque chose que j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a l'acte d'union 1800-1801, le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande. Il y a un parlement, il est à Westminster, mais il y a des députés irlandais qui pourraient faire valoir une idée de plus d'autonomie. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi le système représentatif, les élections ne fonctionnent pas en Irlande? Eh bien, parce que le nombre de députés irlandais à Westminster est plafonné. Il ne représente pas, il n'est pas considéré comme représentatif de la population irlandaise. Et puis le Sinn Féin, le parti Sinn Féin, qui remporte une victoire éclatante aux élections de 1918, de décembre 1918, refuse de siéger à ce parlement. Donc, ce parlement n'est pas représentatif de la vie politique irlandaise. Mais c'est ça, la voie parlementaire, ça ne fonctionne pas là. Mais parce qu'il n'y a pas assez de députés irlandais, et puis parce que les députés irlandais ont bien conscience que ça ne passera pas par là, donc ils ne siègent pas. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a un courant qui prend de l'ampleur, mais ça, Olivier Coquelin est davantage spécialiste de moi de ces questions. Mais il y a une question travailliste, ouvrière, qui prend de l'ampleur, et un courant à travers... Larkin et Connolly, qui dit que l'indépendance seule pourra permettre aux Irlandais de reprendre la possession de leurs moyens de production et de redevenir maîtres de leur destinée et de leur richesse. Et donc seule l'indépendance permettra à l'économie de se développer, aux conditions de vie de s'améliorer. Donc là, c'est une étape supérieure par rapport au nationalisme culturel, à la Renaissance celtique dont on a parlé il y a quelques instants, qui passait par la réappropriation de la langue, la création d'une littérature, d'un corpus culturel qui puisse rassembler les anglo-irlandais, les irlandais gaélophones. Là, on passe à l'étape supérieure, et il y a le vif sentiment, après 1918, que seule l'autonomie législative, voire l'indépendance totale vis-à-vis de l'Empire britannique par la République, seules ces voies-là permettront à l'Irlande de se développer pleinement. Avec, c'est vrai, une complexité qu'on peut rajouter à celles, quand je dis celles, c'est au pluriel aussi, qu'on a déjà identifiées. Il y a ceux qui souhaitent l'indépendance par une forme de réforme ou par le boycott, il y a ceux qui souhaitent par la lutte armée, et puis il y a les questions politiques qui s'ajoutent à ça. Il y a, dans ce début du XXe siècle, tant de mouvements différents, et des mouvements liés à des choix politiques radicalement opposés, plus conservateurs ou plus liés à, on peut le dire déjà, à des socialismes divers, parce qu'il y a des particularités nationales. Oui, il s'agit d'un courant minoritaire au sein de la branche révolutionnaire du nationalisme irlandais, qui aspirait à conjuguer lutte sociale, lutte socio-économique et lutte politique. La figure de proue de ce mouvement-là était incarnée par James Connolly, qui, à la tête de sa milice ouvrière, créée donc dans le cadre de la grève générale de 1913, allait s'allier avec les Irish Volunteers de l'IRB, de l'Irish Republican Brotherhood. Alors, ils étaient minoritaires, hein. Les volunteers devaient être à peu près 1000, et l'Irish Citizen Army comprenait à Dublin à peu près 200 membres. Et pardon. Et donc, ce que visait donc James Connolly, c'était au fond d'établir en Irlande une république indépendante, certes, mais une république des travailleurs, Voilà. Et donc, il appartenait justement au courant, un courant marxiste, hein, qui était avec ses diverses tendances, celles qui prédominaient à l'époque au sein de la seconde internationale. Oui, parce qu'on comprend pourquoi Lénine, notamment, regarde, une fois qu'il est au pouvoir en 1917, ce qui se passe en Irlande, parce que ça l'intéresse aussi beaucoup, ce qui se passe là-bas, avec, dans cette histoire qui nous intéresse, ce moment. Moi, j'étais intrigué, hein, quand vous l'avez dit, Alexandra McLennan, qu'en 1918, on est donc à la fin de la Première Guerre mondiale, ou juste après, les élections sont remportées par le Sinn Féin. Alors qu'on se dit, voilà, c'est un signe fort. Est-ce que ça va avoir une incidence dans le mouvement pour l'indépendance? Ça va conduire à aller plus loin? Oui, tout à fait. Parce que l'Irlande change fondamentalement en décembre 1918. C'est la fin du nationalisme parlementaire, on peut le dire. C'est la fin du parti parlementaire irlandais, de John Redmond. Et c'est la victoire du Sinn Féin aux élections. C'est un changement d'époque. La chanson que vous avez passée tout à l'heure, Forgive You, m'a fait penser à ça. Les Irlandais qui reviennent des tranchées de la Première Guerre mondiale ne sont pas bien accueillis. Ils sont accueillis, ils reviennent dans une certaine indifférence. Et on compare dans la chanson, on met en fait dos à dos ceux qui reviennent de la Première Guerre mondiale et puis les nationalistes qui sont restés se battre pour l'Irlande. Et l'Irlande a fondamentalement changé. Maintenant, c'est l'Irlande du Sinn Féin. Et dès janvier 1919, les 27 candidats Sinn Féin qui sont élus à ces élections de décembre 1918 et qui ne sont pas en prison se réunissent pour former le Parlement indépendant de l'Irlande appelé Dáil Éireann. C'est un Parlement qui virtuel, il proclame même une république virtuelle. Le premier Dáil, pour eux, c'est le nouvel État irlandais, c'est la république non officielle, et ils publient un programme démocratique. Donc on arrive vraiment à un changement de régime. Oui, parce que c'est l'indépendance, on peut le dire, un Parlement indépendant, voilà, une déclaration d'indépendance en 1919. Et oui, et c'est la déclaration d'indépendance d'ailleurs qui fait suite à la déclaration d'indépendance qui a été lue depuis la Grande Poste en 1916 lors de du soulèvement de Pâques 1916. Donc on poursuit ce combat-là. Et ouais, il prend une nouvelle réalité en 1919. Bah écoutez, je vous propose d'envoyer un grand reporter en Irlande en 1920 pour voir un peu ce que c'est que cette Irlande qu'a proclamé son indépendance, mais qui est encore sous domination complète de la Grande-Bretagne. Ce grand reporter, c'est Joseph Kessel. Donc, vous voilà parti dans cette Irlande qui comprenait une administration anglaise, une armée anglaise, et en même temps une administration irlandaise et une armée irlandaise. Une armée irlandaise secrète, une administration irlandaise secrète, mais qui fonctionnait à un tel point que les impôts n'était plus payé à l'Angleterre, mais était payé à un ministre qui était un des grands héros de l'indépendance irlandaise, qui s'appelait Michael Collins, et on acheminait vers lui ses contributions volontaires, alors que le refus de l'impôt était général vis-à-vis des Anglais. Pour l'armée, il en était de même. Même des gens n'osaient pas sortir, ou ne voulaient pas. Il n'y avait pas de punition, mais l'élan intérieur était tel que des gens, pour sortir d'Irlande, des Irlandais, demandaient à leur chef secret une autorisation qui leur était donnée ou non selon les cas. Joseph Kessel qui s'exprimait en 1956, son témoignage sur ce qu'il avait vécu en 1920. Olivier Coquelin, c'est incroyable ce moment-là, mais l'indépendance de l'Irlande ne peut pas être acceptée à Londres. C'est une guerre d'indépendance aussi. Oui, absolument. Au moment où les 27... député du Sinn Féin sur 75, hein, donc 27 parce que les autres étaient emprisonnés, déclarent l'indépendance, se réunissent au sein de la Dáil Éireann, donc le même jour en fait, coïncidence, le 21 janvier pour être précis. Les Irish Volunteers qui ont connu donc une réorganisation à partir de 1917, allait tendre une embuscade qui, donc dans le comté de Tipperary, qui allait faire deux morts. Et donc, ça a provoqué, ça a été le point de départ de la guerre d'indépendance, en effet, où on allait retrouver donc un bras armé et puis un bras politique. Hein. Donc, cette dualité-là sera la même au cours du reste du conflit nord-irlandais de 1969-1998. À la colonisation, par les Anglais de l'Irlande, c'est le schéma des colonisations qu'on va retrouver ailleurs. On l'a vu, mais là, au cours du temps long, hein, des siècles, avec des plantations, avec des colons. Pour la guerre d'indépendance, Alexandra MacLennan, on peut vraiment dire que là aussi, les Anglais font comme on fait lors d'une guerre d'indépendance quand il y a un peuple qui se soulève. Ils envoient quoi ? L'armée régulière ? Alors, ils envoient une force qu'ils ont à peine le temps d'armer et d'habiller. D'ailleurs, on les surnomme les Black and Tans parce qu'ils n'ont pas eu le temps de leur confectionner des uniformes, Réguliers, quoi. Voilà, ça veut dire quoi, Black and Tans? Black and Tans, donc c'est un surnom qui vient d'une race de chiens, mais en réalité ça dénote deux couleurs. Ils acquièrent rapidement une très mauvaise réputation d'indiscipline et de penchant pour l'ivrognerie. Ils discréditent plutôt qu'ils ne renforcent l'autorité morale du gouvernement en Irlande. Et ils entachent la réputation de la Grande-Bretagne à l'étranger. Alors ça, c'est l'arrivée des Black and Tans va enclencher une spirale de représailles et de contre-terrorisme et va plonger le pays dans l'anarchie. En 1920, il va y avoir une deuxième force qui sera envoyée après l'échec d'une loi qui s'appelle Restoration of Ireland Act en 1920. Et c'est cette deuxième force, donc force spéciale Auxiliary Cadets, va encore plonger le pays davantage dans ce qu'on appelle la terreur, une terreur irlandaise. Ils sont encore plus répressifs en réalité que les Black and Tans parce que pour une attaque contre des policiers. L'IRA apporte donc Irish Republican Army, c'est une force irlandaise qui est formée à partir de membres des volontaires irlandais, de membres de la Irish Citizen Army, donc tout ça, des forces qui viennent de 1916. Et donc l'IRA se défend, se bat contre ces forces spéciales envoyées par la Grande-Bretagne. Et donc le pays est plongé progressivement dans cette spirale d'attaques et de représailles en 1920. Oui, parce qu'on voit vraiment que cette période-là, elle est intense. Quand je dis cette période-là, je pourrais commencer en 1916 et puis aller jusqu'en 1919 avec la déclaration d'indépendance et ce qui s'ensuit, la guerre d'indépendance. Parce qu'Olivier Coquelin, on le voit bien, c'est là que s'organise vraiment la lutte armée avec une armée. Enfin, c'est l'IRA, c'est vraiment une mobilisation. Mais dans le même temps, faut rappeler, il y en a d'autres qui se disent qu'on peut peut-être transiger. Parce que la question qui se pose ici, c'est l'objectif. C'est quoi l'objectif ? C'est une indépendance complète de l'Irlande comme un pays séparé des autres, là, de la Grande-Bretagne ? Ou alors, est-ce que c'est une grande autonomie ? Ça explique aussi la difficulté de mettre en place cette lutte chez les Irlandais. Oh ben là, à partir de 1918 et la victoire éclatante du Sinn Féin aux élections de décembre... Le but à atteindre, cette fois-ci, est largement plus radical. Là, il est question d'indépendance sous une forme gouvernementale républicaine. Là, il n'y a plus d'ambiguïté. Elle est atteinte, cette indépendance ? Enfin, quelle est la conséquence de cette guerre d'indépendance ? Cette guerre d'indépendance ne peut pas durer, elle est très très violente, elle ne peut pas durer tant à Londres qu'à Dublin. Il faut s'arrêter un moment. Non, c'est absolument. On commence à se rendre compte que on est dans une impasse. Simplement, on se demande qui va l'emporter, personne ne sait. Et donc, en juillet 1921, on signe une trêve au cours de laquelle, justement, on allait négocier, les parties belligérantes, hein, s'entend, allaient négocier un traité de paix. Traité de paix qui sera signé en décembre, début décembre 1921, notamment par Michael Collins et Arthur Griffiths, père fondateur du Sinn Féin, hein, qui faisait partie de la délégation irlandaise. Donc en phase 2, il y avait le Premier ministre, Lloyd George, et puis un certain Winston Churchill. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Churchill, voilà. Le Churchill, il était là, de la délégation anglaise. Il était dans le coup, si je puis dire. Ouais. Et donc, dans ce traité... qui allait donc susciter une division, hein, au sein des forces révolutionnaires. Alors, il était question déjà de partition, hein, tout simplement. Et pour les trois quarts de l'Irlande, ce qu'on peut appeler l'Irlande du Sud, hein, terme générique, il n'était pas question d'établir une république totalement indépendante, mais un État libre qui serait membre du Commonwealth, mais qui jouirait néanmoins d'une autonomie supérieure que celle qui était prévue dans le cadre du Home Rule, de la loi votée en 1912. Ouais, parce que là, on voit bien qu'il y a une solution, mais qui... Allez, pour Londres, c'est la fin de la guerre d'indépendance et on espère conserver une influence sur l'ensemble du territoire. Mais c'est pas si simple. Et du côté des nationalistes irlandais, c'est parce que la lutte ne peut pas durer et ils cèdent un peu. Parce que c'est là que l'on voit apparaître l'idée de partition entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Hein. Vous avez parlé d'un État libre d'Irlande. En fait, c'est la partie Sud. C'est la partie Sud, oui, bien sûr. Donc, les 6 comtés de la province d'Ulster, donc du Nord-Est, dans le nord-est du pays, était à dominante protestante d'un point de vue confessionnel et unioniste d'un point de vue politique. Et donc, si on peut revenir juste un peu en arrière, à l'aube de la Première Guerre mondiale, on était dans une situation de guerre civile, puisque, évidemment, les unionistes s'opposaient farouchement à l'autonomie, rien... seulement à l'autonomie. Et à cette fin, donc, il s'était organisé en milice, qui, donc, l'Ulster Volunteer Force, en janvier 1913, qui avait pour but, justement, de lutter contre l'application du Home Rule, de l'autonomie, les armes à la main, si nécessaire. Et ce qui, en retour, avait suscité aussi, quelques mois plus tard, enfin, 10 mois plus tard, en novembre 1913, la création des Irish Volunteers, qui, visait, justement, à défendre le Home Rule, l'application du Home Rule, les armes à la main, si nécessaire. Et donc, il fallait trouver un compromis. On ne voulait pas justement qu'il y ait de nouveau une guerre civile qui a failli avoir lieu. Et donc, on a cédé un peu, les autorités britanniques ont cédé un peu à la pression des unionistes, et ce qui a abouti à cette proposition justement de partition. Quoi. Voilà, et le traité, c'est un compromis, mais comme tout compromis, ça crée du débat. Chacun de nous a prêté un serment d'allégeance au Parlement irlandais. Et ce traité veut nier notre engagement. Il nous insulte. Parce que nous serons contraints de prêter serment à un roi qu'on hait par-dessus tout. Un serment. Je suis un républicain. Et la seule question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est... êtes-vous des hommes de parole ? Tu veux vraiment que je te réponde, c'est ça ? Es-tu un républicain ? Bien sûr que je suis un républicain. Si vous voulez vraiment cracher sur les tombes de nos combattants, si vous voulez vraiment insulter leur mémoire, alors allez-y, rejetez ce traité. Parce que c'est pour lui qu'ils sont morts. Non, non, non, non, et parce que beaucoup d'entre vous ici ont trop barré. Vendu avec ce traité. Comment peux-tu parler ainsi de Michael Collins ? Michael Collins est un héros. Il est parti à Londres. Il a fait mieux que n'importe qui. Il a été séduit par leur dîner bien arrosé. Nous avons... Le traité qu'il a négocié n'est pas digne de ce nom. Il a capitulé. Oui. Enfin, vous savez bien que pour eux, l'Irlande n'est qu'un détail insignifiant sur un bien plus grand tableau. Ce traité renforcera le pouvoir des puissants sur les pauvres, parce que le gouvernement général tiendra en laisse notre parlement fantoche. Mes cousins de Belfast sont à la rue, parce que les loyalistes ont brûlé leur maison. Les salauds ! Il y a des réfugiés dans tout Dublin. Vous savez ce que ce traité signifie pour eux ? Au lieu de gangs sectaires, ils se retrouvent face à ces mêmes voyous, armés et habillés par les Britanniques. Oh, Chineur, c'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi. Il n'y a aucune garantie dans ce traité, et l'Irlande sera divisée. Il y a des garanties. Il n'y a aucune garantie. Lis le traité. Il n'y a aucune garantie. Le vent se lève, le film de Ken Loach en 2006, avec, on l'entend ici, hein, les indépendantistes et nationalistes qui se divisent. Alexandra McLennan, ça veut dire que après la guerre d'indépendance, il y a une guerre civile entre les Irlandais. Eh oui, c'est une guerre entre les Irlandais. C'est aussi une guerre entre deux personnes. Elle peut être personnifiée par l'opposition de tempérament et de volonté politique de Eamon de Valera et Michael Collins. Eamon de Valera, je crois qu'il faut parler un petit peu de lui à ce stade. Eamon de Valera est un homme de du combat pour la réappropriation de la langue gaélique et de toutes les vertus du peuple irlandais qui allait avec cet idéal et qui a mystérieusement échappé aux exécutions de 1916 par sa nationalité américaine. En fait, il est né aux États-Unis, il avait un statut un petit peu spécial. Et puis, lui va incarner le parti qui refuse le traité, qui refuse le statut de dominion. Et dans les négociations, même si c'est à lui que Lloyd George, qui représente le camp britannique en tant que Premier ministre, c'est à lui que Lloyd George propose d'octroyer le statut de dominion aux 26 comtés de l'Irlande du Sud, eh bien, De Valera ne se rend pas à Londres avec la délégation irlandaise, il envoie plutôt Michael Collins. Et c'est une stratégie de la part de Valera, parce que De Valera, lui, veut la République. Et il sait qu'il n'obtiendra pas la République, que Lloyd George, le gouvernement britannique, n'acceptera pas de donner, de laisser l'Irlande devenir une République. Et donc, face à ce refus, il envoie Michael Collins négocier ce compromis. Et alors De Valera, lui, voudrait au mieux une sorte d'association externe. Il refuse que l'Irlande reconnaisse l'autorité du monarque britannique. Et donc, il voudrait avoir des liens externes avec la Grande-Bretagne, avec l'Empire, sans faire partie du Royaume-Uni. Oui, c'est quelque chose qui est bien difficile, parce que on sent que dès 1921-1922, un compromis est là, en place, et c'est celui-là qui va d'ailleurs durer. Dites-nous, pour terminer, Olivier Coquelin, moi j'ai besoin d'une précision, parce que quand je regarde la chronologie, je vois 1949, proclamation de l'indépendance de l'Irlande. C'est quoi cette date de 1949? Parce que 1919, proclamation d'une indépendance, qu'est-ce qu'on a en fait dans cette histoire-là? On a une vraie partition qui est là et qui parcourt tous les années 1920-1930, il faut attendre les années 40 pour que l'Irlande, en tant que république, se constitue? Oui, l'Irlande devient officiellement une république, en effet, en 1948. Donc ça a été voté à la Dáil Éireann, au Parlement donc de Dublin, et ça a pris effet en 1949. Et par la même occasion, donc l'Irlande a quitté le Commonwealth. Alors ça s'est fait graduellement, hein. L'Irlande du Sud donc avait le statut de Dominion de 1922 à 1937. 1937, Eamon de Valera, qui est au pouvoir depuis 1932, rédige avec d'autres une constitution dans laquelle donc l'appellation de l'État n'est plus celui de l'État libre d'Irlande, mais celui d'air. Hein, c'est le terme qu'on utilise aussi, l'air, hein, pour désigner. E-I-R-E. Voilà, c'est exactement. Là, ça vient de là. D'accord. Ça vient de là, oui. L'air, donc, cette entité-là géopolitique répondra au nom d'air de 1937 à 1948. Et paradoxalement, hein, c'est les partisans du traité, les descendants en tout cas, les héritiers des partisans du traité, qui au pouvoir via donc le parti politique Fine Gael, qui était donc dans un gouvernement de coalition à l'époque, que ce parti-là dominait, allait justement établir officiellement la République d'Irlande. Alors pas une et indivisible, puisqu'il restait encore la partie du nord-est, l'Irlande du Nord, qui restait donc dans le giron britannique. Avec cet objectif, toujours malgré tout, il faut le rappeler, au fil des siècles, c'est l'union de l'Irlande pour les indépendantistes, et encore aujourd'hui, réflexion-là. Et c'est ce qui nous permet, en regardant l'histoire, de mieux comprendre cette actualité irlandaise. Merci beaucoup à tous les deux, Olivier Coquelin, l'Irlande en révolution, publié aux éditions Sileps, et puis vous, Alexandra McLennan, merci beaucoup. L'histoire de l'Irlande de 1912 à nos jours, c'est chez Talendier. Merci. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi le traité de Lausanne, 1923, a-t-il privé les Kurdes d'un État indépendant ? Le 24 juillet 2023, une importante manifestation kurde a rassemblé à Lausanne quelques 6000 personnes. C'est dans cette ville que, 100 ans plus tôt, avait été signé le traité qui fixa les frontières de la Turquie moderne en rayant de la carte l'existence des États kurdes et arméniens. La région qu'on appelle aujourd'hui le Kurdistan désigne une zone située en Asie occidentale qui s'étend sur près de 520 000 km², contrôlée par 4 États différents. La Turquie au nord, la Syrie à l'ouest, l'Irak au sud et l'Iran à l'est. Dans ces pays, les mesures répressives à l'égard des Kurdes ont été nombreuses depuis un siècle. En 1988, Saddam Hussein bombarda les zones kurdes avec des gaz chimiques, faisant près de 180 000 morts. En Syrie, où vivent 2 millions de Kurdes, ceux-ci sont considérés comme des apatrides et ne jouissent d'aucun droit culturel ou politique. En Iran, les provinces peuplées en majorité de Kurdes sont lourdement touchées par la pauvreté et les contestations sont systématiquement réprimées. Même si les discriminations qui les touchent ne sont pas de la même ampleur, les 17 millions de Kurdes vivant en Turquie, soit près de 20% de la population totale du pays, n'ont jamais obtenu la reconnaissance de leur culture et de leur identité collective. Ces diverses formes de répression explique que plus de 40 millions de Kurdes ont été contraints à l'exil depuis le début du XXe siècle. Pour comprendre pourquoi le Kurdistan n'est pas devenu un État indépendant, il faut rappeler que le modèle politique des États-nations, fondé sur le principe de la souveraineté du peuple, s'est imposé en Europe et en Amérique au XIXe siècle. Les élites issues des minorités qui faisaient partie des empires multiethniques, comme l'Empire ottoman, ont repris à leur compte ce modèle en mettant à profit les désordres et les ruptures qu'a provoqué la Première Guerre mondiale. Le traité de Sèvres, signé en 1920, entérina les revendications des Arméniens et des Kurdes en ouvrant, sur le plan juridique, le processus de formation d'un État souverain. Mais cette logique nationale contribua aussi à accélérer l'effondrement de l'Empire ottoman. La République de Turquie fut proclamée en 1923 par Mustafa Kemal. Celui-ci ayant refusé d'entériner le traité de Sèvres, les Alliés acceptèrent de nouvelles négociations qui aboutirent au traité de Lausanne. Son application entraîna des échanges forcés de population entre la Turquie et la Grèce. Quant aux Arméniens et aux Kurdes, ils furent privés de leur État. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Charte des Nations Unies confirma le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais sa portée juridique fut limitée aux situations coloniales. Étant donné que les Kurdes étaient répartis dans plusieurs États, ils ne pouvaient pas se présenter comme un peuple colonisé. Ceci d'autant moins que, dans ces pays, les mouvements politiques kurdes avaient évolué différemment, au point d'entrer parfois en concurrence. Ce qui a contribué à affaiblir le combat en faveur d'un État national regroupant toutes les composantes du peuple kurde. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture. Merci à Nicolas Stein de France Bleu Normandie à Caen. Et merci à Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Copet, Mathieu Copal, Lily Cornaer et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.